بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم تفهم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فما زلنا في باب جزاء الوالدين. Hier, on a pu prendre l'athar de Ibn Umar radiallahu anhuma, de lequel Anham Abu Bardan nous évoque la qissa, le récit, qu'il a pu témoigner entre Umar, Ibn Umar plutôt, et cette personne-là parmi les Yémenis qui avait porté sa mère sur son dos au cours d'un tawaf et qui avait demandé à Ibn Umar est-ce que cette œuvre-là était suffisante et équivalente au rétribut des parents. Enfin, il lui a dit: ceci n'est pas équivalent, et c'est même pas l'équivalent d'une zafra wahida, une contraction ou bien un soufflement lors de l'accouchement. Enfin, ça nous montre, comme on a pu voir, le statut et le degré des parents, et surtout le bienfait, la bienséance qu'ils ont eu envers nous. C'est une chose qui est immense en islam, et dont on ne peut rétribuer. Ça nous demande d'être très très très bon envers mes parents et de s'évertuer à cela. Car même si tu t'évertues, avec tous les efforts que Allah Azzawajal peut te donner, tu seras toujours considéré comme négligent. Non. Alors que dire du négligent, comme on a pu voir. T'as mon poursuit, Inch'Allah. قال رحمه الله قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد ابن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل. فلا شين دي ترانسميشن سي ان شين دي ترانسميشن dans lequel il y a Abdullah ibn Salih, il est connu comme étant faible. C'est au fait, il y a une histoire, c'était quelqu'un qui était de bonne mémorisation, mais qui avait un voisin, Abdullah ibn Salih, le cheikh de l'imam al-Bukhari rahimahullah, qui était connu comme étant une personne, un rapporteur qui a une bonne mémorisation, laquelle qui était éprouvé par un voisin qui avait des mauvaises intentions. Enfin, un de ces jours, son voisin, il s'est permis de rentrer chez lui sans sa permission, et il a modifié certains de il avait donc ses livres, ses recueils de hadiths dans lesquels notait les hadiths qu'il mémorisait, et ce voisin-là, il est rentré chez lui, et il s'est permis de modifier certains des hadiths qui étaient dans ses recueils. Et ils disent, les ulama, que son voisin, il avait un khat, une écriture qui était semblable à celle d'Abdullah ibn Salih. Enfin, il n'a pas vu la supercherie. Enfin, il s'est mis à narrer les hadiths qui étaient dans son recueil en pensant que c'était les hadiths qu'il avait lui-même mentionnés. Or, c'était les hadiths qui ont été modifiés par son voisin. Et depuis ce jour-là, les ulama, ils l'ont considéré comme étant une personne qui est faible. Parce que dans le hadith, pour être considéré comme étant quelqu'un qui est maqbou, c'est-à-dire dont ses récits sont acceptés, soit il est hassan al-hadith, si jamais il a une mémorisation qui est un peu plus faible que ceux qui sont sahih al-hadith al-siqat, comme al-Bukhari, comme al-Shu'ba et l'akhiri, et il est demandé qu'ils aient une bonne mémorisation, ou bien alors que les livres dans lesquels ils ont recueilli leurs hadiths, ils soient protégés. Parce que certains, et c'est la plupart des narrateurs, ils narraient les hadiths, il y en a avec par cœur, avec mémorisation, sans céder de livres. Et certains, ils prenaient l'appui d'un livre. Et il n'y a pas d'aïb en cela. Le plus important, c'est que la sunna soit propagée. Que ce soit par la mémorisation, ou bien que ce soit par le biais des livres. Et on voit même à notre époque que le biais des livres, c'est une ni'ma karazim. La plupart des ulum et des fawad qu'on s'est fait dans l'islam, dans lesquels on profite, à travers lesquels on profite, c'est par le biais des livres. Enfin, il n'y a pas de hib en cela que la personne ne mémorise pas, laquelle, alhamdoulilah, il a un autre biais qui est quoi? Al-Kitab, Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, qui fait partie des sahaba qui ont le plus recueilli des hadiths. Par quel biais? Par le biais de l'écriture. Abu Harayra, c'était celui qui mémorisait le mieux, mais qui a moins recueilli des hadiths que Abdullah ibn Amr ibn As, qui lui était parmi ceux qui écrivaient les hadiths. Enfin, il nous a fait profiter de nombreux de hadiths par le biais de l'écriture. Enfin, cet imam-là, ce cheikh, Abdullah ibn Salih, c'était quelqu'un qui s'appuyait sur ses livres, il y en a pour réviser, et malheureusement, il n'a pas préservé ses livres d'être, comment s'appelle, modifié, fait par ce biais-là, il a été considéré comme étant faible, mais d'une faiblesse qui ne qui fait qu'on ne rejette pas ces hadiths. C'est-à-dire que si jamais on retrouve un hadith qui sont dans le même terme que les hadiths qu'a rapporté cet imam-là, eh bien, ils seront considérés. Ça, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est yuktab hadithuhu. Et donc, son hadith, on le met de côté, on regarde. Est-ce qu'il y a d'autres versions qui appuient sa version? Si c'est le cas, eh bien, sa narration va devenir hassan l'irayrihi ou bien sahih l'irayrihi. Ça nous exhorte à faire attention. Même à faire attention à nos patrimoines, à nos livres, aux choses qui sont relatives à la science, de les préserver des intentions de ces malfaiteurs-là. Fa Allah musta'an. Laquelle on va le voir que ce hadith-là, plutôt l'athar qui est évoqué, c'est un athar qui est hassan al-ghairi, parce qu'on a trouvé, même l'imam al-Bukhari l'a évoqué à la fin du chapitre, et une autre version de ce athar qui va l'appuyer et qui va faire de cette narration-là qui est acceptable. C'est pour ça que c'est bien, je préfère moi, Inch'Allah, d'évoquer la chaîne de transmission, afin qu'on s'habitue, c'est important, afin qu'on s'habitue à connaître et à comment un hadith il est considéré comme étant faible, considéré comme étant bon, quelle est la illa, pour quelle raison il a été jugé faible et tout ça. C'est bien, c'est important, ça nous permet de. Ça nous rajoute en compréhension. Qala anna Abu Hurayra radiallahu anhu. كان يستخلفه مروان أبو هريرة رضي الله عنه il a été mandaté par مروان بن الحكم يعني qui faisait partie des أمراء من التابعين لكن qui était un تابعي يعني ليس من التابعين الذين اتبعوا الصحابة بإحسان. Cette personne là il est connu qu'il avait un bourde شديد, il détestait Ali ibn Abi Talib par rapport aux affaires et les histoires qu'il y a eu entre Ali ibn Abi Talib et كذلك معاوية بن أبي سفيان يعني القصة معروفة. فإلى بري بارتي دو معاوية إلى دي كو طول الجمعة إلى انسلتي علي ابن أبي طالب. هذا لا يجوز, تسب الصحابة لا يجوز أصلا, تسب المسلم, سب المسلم فسوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سافي بارتي دو لا بيرفيرسيون. فلوي كل جمعة إلى بري سا كوم ان دين, كل جمعة يسب على المنبر سور لو منبر إلى انسلتي علي بن أبي طالب. إي في با بارتي دي تابعي بإحسان, comme ceux qui sont un exemple. Au contraire, c'est pas un exemple. Il faisait partie des Umara, le Muhim, il a mandaté Abu Hurayra comme étant Amir. Là, c'est dit Dhul Hulayfa, qui est le Miqat al-Mahrouf, l'Ahl al-Madina. Lorsqu'on fait le Hajj, on passe par là pour se mettre en état de sacralisation. Et dans l'autre version qui va arriver, il est évoqué dans Yani il al-Haqiq. Fa al-Muhim, Yani, il a été mandaté. Est-ce que c'est Dhul Hulayfa ou bien Al-Haqiq, qui sont deux villes qui sont proches de Al-Madina, Wallahu A'lam. Al-Muhim, il a été mandaté dans une ville comme étant Amir. Et dans la traduction, il écrit qu'il représentait Marwan. Abu Hurayra représentait Marwan. En fait, c'est l'inverse. Parce que là, si tu dis représenter Marwan, donc on peut comprendre que Marwan, c'est un maf'ul bihi. Alors là, on voit dans le texte que yastakhlifuhu, c'est qui Al-Mustakhlif, c'est Marwan, c'est lui qui a fait l'action. Donc là, il est mieux de dire que Marwan a mandaté. C'est plus conforme à ce qui a été écrit ici, parce que c'est Marwan qui est le fa'il, et c'est Abu Hurayra qui est le maf'ul bihi. قال كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة معروف الميقات, la ville qui est connue, qui est proche de Medina, al-Miqat, dans lequel on se met en état de sacralisation pour celui qui veut faire le Hajj ou bien l'Umrah, qui doit passer par la Médina. قال فكانت أمه في بيت وهو في آخر. Sa mère était habitée dans une maison et lui dans une autre maison. قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها. Et lorsque il voulait sortir, et ça se nous montre que la maison elle était à proximité. Lorsque Abu Hurayra voulait sortir, il était voisin de sa mère. Et ça c'est min al-khayrat. Ta mère c'est ta voisine. هذا جيد جدا. Et là, elle aura deux droits sur toi, le droit des parents et le droit des voisins. Le droit des parents et le droit des voisins. Donc, si jamais il est bon envers sa mère qui est sa voisine, ça c'est nourun ala nour. Parce que le droit des voisins, كذلك l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il va évoquer un long passage dedans qui est mumti', qui est jayjiddan, qui nous montre l'importance du droit des voisins. Enfin, ça va venir, inshallah, et c'est un bab qui est super important. Tout aussi important que bir al-walidin. Enfin, c'était sa voisine. et c'était Kazalika, sa mère. Ça, c'est selon la version, mais comme on a pu voir, la base de l'histoire, elle est sahiha, lakin certains éléments demandent une autre riwaya qui appuie cela. Lakin, comme c'est un athar, la base. Elle veut la main, lorsque c'est l'athar, ils font preuve un peu plus de souplesse. Contrairement au hadith. Au hadith, il y a une menace qui est venue. Celui qui ment sur moi volontairement, qui se prépare une place en enfer. Or, dans les athar, c'est pas venu. Fa ma'ruf, l'imam Ahmed et Kadalika, Ibn Mahdi, comme l'a évoqué Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, fi le livre, je sais comment il s'appelait, Ulum al-Hadith, fi Mathkur, Mukhtasar Ulum al-Hadith, il évoquait que il faisait preuve un peu plus de souplesse concernant la véracité des athar. Enfin, tu les vois à partir du moment que l'athar il est conforme aux valeurs de l'islam, et bien il le propage. Lorsqu'il voulait sortir, il se tenait debout devant la porte de sa mère. Faqala assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il passait le salam à sa mère en sortant, et ça c'est une ni'ma. Assalam, de notre jour, on oublie que c'est une dua. Lorsque tu dis assalamu alayki, tu demandes que le salam Allah il soit sur ta mère ou bien soit sur la personne à qui tu passes le salam. Et les ulama, ils évoquent que assalamu alayk, c'est le fait de faire une dua. C'est une dua, ça constitue une dua. C'est pas simplement le fait de penser, de dire bonjour. Ça n'a rien à voir avec bonjour, bonjour, c'est une autre histoire. Lakin, tu dis assalamu alayk, c'est que tu tatamanna, tu souhaites que cette personne-là soit fils salam, qu'il soit épargné de tout mal. Qu'il soit épargné de tout mal lorsque tu le fais, c'est. Lorsque tu le passes au salam. Enfin, ça fait partie min al-bir. Ça fait partie min al-bir. Et passer le salam, c'est une chose qui est mustahab. Répondre au salam, c'est une chose qui est wajib. Wa idha huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Naam. Qala assalamu alayki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc elle lui rendait le salam. Lui, il voyait cela comme bir. Tam yahtasibu dhalika kal-bir. C'est clair, net. Le fait de passer salam, et que tu sais, tu connais la valeur du salam, qui est une dua. C'est comme s'il disait, Allahumma sallim ummi, min kulli shar wasu. Allahumma sallim ummi, min kulli shar wasu. Qui demande à Allah Azzawajal qui préserve sa mère de tout mal. C'est ça, salamu alayk. Donc ça fait partie du bir. Al-bir al-walidin, c'est le fait d'être bon envers ses parents, que ce soit par le biais des paroles ou bien des actes, ou même, comme on a pu voir, au niveau des. Le fait comment on se tient devant eux. فَكَانَتْ تَقُولُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا بُنَيَّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Ça c'est wajib de rendre. Yani comme on lui a passé. Donc il a dit salam alaykum wa rahmatullahi. On voit même, elle a dit يَا أُمَّتَهُ. Le Cheikh Al-Usaymi rahimahullah, il évoque dans le charh de charh Riyad al-Salihin que قَلُوا سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَرُدُّهَا. C'est-à-dire que tu dois rendre le salam au niveau de la quantité et kadalika au niveau de la qualité. Fil kaymiya ou fil kayfiya. Donc là, il lui a dit assalamu alayk ya ummata. Et ummata, c'est une kalimata de tendresse. Ya ummi et ummata, tu ressens un peu plus de tendresse dans cette appellation-là, le fait de l'appeler ya ummata. Ça fait partie des manières de qualifier sa mère comme étant mère. Ya ummata, il y a plusieurs. Façon de faire cela, je les avais noté. Tu peux dire ya ummi sans appuyer ya ummi ya umayya ya umma ya umma ya umu ya amati ya amata ya amata et amati. Donc ça c'est toutes les manières de pouvoir appeler ta mère. Dans fil l'oral arabia, tu peux l'appeler d'une manière différente. Et là, on a, il a ikhtar, ya ummata, tu sens al-latafa fil al-kalam, tu sens la tendresse à travers cette appellation-là. Fa elle aussi, kadalika, elle a rajouté entre cela, ya bunayya, tam. Elle n'a pas dit ya ibni, tam. Ya bunayya, c'est ismu tasrir. C'est le diminutif de ibni, tam, de mon. C'est comme si c'était dit mon petit, donc ça montre aussi la tendresse, yani, l'affection. On ressent l'affection et la tendresse à travers ces termes-là. Mon fils et mon petit, ça n'a rien à voir. Ça montre qu'il y a une affection, une tendresse qui est beaucoup plus observée. Enfin, lui, il a ajouté dans le salam ya ummata, et elle aussi kadalika elle a évoqué dans Radd al-Salam ya bunayya, tendresse, tendresse. Fa Radd al-Salam yakun kadalika ma'a al-kayfiyya. Al-kayfiyya, ça c'est marouf, je te dis salam wa alayk, tu dis wa alayk ya salam. Ça c'est aqallu shay. Si jamais tu veux et c'est le mieux pour toi, fa hayyu bi ahsan minha, tu rajoutes wa rahmatullah. Et si tu veux, tu rajoutes wa barakatuh. Ça c'est au niveau de la quantité. Ça c'est marouf. Je ne peux pas me permettre, maintenant je dis à quelqu'un salam wa alayka rahmatullah, et lui me dit wa alayka salam. Ça c'est faux, ça il est athim. Labudanahu yarud bimithliha. Yaqul wa alayka salam wa rahmatullah. Et quelqu'un qui te dit maintenant assalam wa alaykum, et t'es tout seul. C'est ta'zim al nisha'anik. On peut vous voyer, c'est marouf dans l'islam, ça, kazalika c'est autorisé de vous voyer. T'as quelqu'un qui te vous voit, qui te dit assalam wa alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, et tu es tout seul. Et toi tu lui dis wa alayka salam wa rahmatullah wa barakatuh, tu le tutoies. Fa fil kayfiyya fi nazar. Fil kayfiyya fi nazar. Je te vous voyais, ça montre une marque de respect. Et toi tu le rends avec un tutoiement. Fa rad salam, n'am, il faut que ce soit avec la kayfiyya. Il faut que ce soit avec la kayfiyya la budda min. Ta kadhalika. N'am, fa hauna, elle a dit, il a dit ya bunay ya ummata, fa lui a rendu ya bunayya. Tamam, ya bunayya. Kadhalika il dit Cheikh Al-Athim rahimahullah, non, c'est ça que je voulais dire. Quelqu'un qui te passe le salam en te disant salam alaykum avec un sourire, ibtisam. Fanta kadhalika, tu rad salam avec un sourire. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Je te l'ai passé avec un sourire, tu me le rends avec un sourire. Fa assalam, on doit rendre le salam avec la kayfiyya, de la manière dont le salam a été passé, et kadhalika au niveau de la quantité, au niveau des termes. ويقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا. Qu'Allah te fasse miséricorde vis-à-vis du bienfait et de l'éducation que tu m'as donné lorsque j'étais petit. فتقول رحمك الله كما برنتني كبيرا. Et toi qu'Allah كذلك il te fasse miséricorde vis-à-vis du de la bonté dont tu as fait à mon égard lorsque je suis devenu un peu plus âgé. فالدعاء كذلك الدعاء. Et ils disent que Abu Huraira, c'était quelqu'un qui est, au niveau de Birr al-Walidin, c'était quelqu'un qui était exemplaire. C'est un exemple vis-à-vis de la bonté envers des parents. C'est un exemple dans l'islam. Abu Huraira, قال العلماء, هو مضروب المثال في بر الوالدين. نعم. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. Et lorsqu'il rentrait, lorsqu'il sortait de sa demeure, il passait salam et il faisait dua pour sa mère. Et lorsqu'il rentrait, la même chose. Il se tenait devant la porte, il passait salam, il faisait dua pour sa mère. Ça montre qu'il y a déjà le walidain, qu'ils ont un rétribut qui est énorme. Et à Sahaba, à travers cela, l'imam al-Bukhari, il a voulu nous faire ressentir comment les Sahaba, ils ont ressenti cette obligation-là qui est le fait de rétribuer t'aimes les parents et de faire l'effort pour cela. Ça c'est une chose que certains peut-être lorsqu'il va sortir, il va sortir et il va aller directement vers l'endroit où il se rend. Enfin, ils avaient dans leur cœur cette envie de se décharger de cette obligation-là qui est le fait d'être bon envers les parents et de les rétribuer du mieux possible. Et à chaque fois qu'il sortait, il n'oubliait pas sa mère. Et à chaque fois qu'il rentrait, il n'oubliait pas sa mère. Yanni veut nous montrer à travers cela comme quoi il est important de ne pas oublier de rétribuer ses parents, car le rétribut des parents, comme on a pu le voir, c'est un rétribut qui est énorme, bel qui n'a pas d'équivalent, excepté le fait qu'ils soient prisonniers de guerre et un sebab de leur affranchissement, comme on a pu voir dans le hadith, le premier hadith rapporté par Bukhari al-Muslim. Face au hadith, la chaîne de transmission est faible, mais on va le voir, le dernier athar qu'a évoqué l'imam al-Bukhari, rahimahallahu ta'ala, il l'appuie. Il appuie donc le athar et le hassan, les raïrihi,